le direct. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de... Ouais non, il n'y a pas d'antenne, c'est sûr. Et Johnny de A à Z, ici à la maison. Cette émission, en principe, est d'habitude sur la radio RIG 90.7 sur Internet, sur Bordeaux, bien sûr, et Internet rigfm.fr. Actuellement, pour cause de confinement, les émissions se produisent à la maison. Comment allez-vous? J'espère que tout va bien chez vous. Et puis, nous sommes en avant pour une nouvelle émission de Johnny de A à Z, hors série numéro 10. Aujourd'hui, je vais vous proposer un programme un peu spécial, comme on a d'accoutumé dans ces hors série, évidemment. On ressort un peu les archives du placard. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une émission qui était diffusée en 1983, le 10 octobre exactement. C'était sur RTL. Et l'émission, c'était Casino Parade. Johnny a été invité. Il faisait la promotion de son album Entre violence et violon. Il interprétera plusieurs titres, comme La fille d'en face, Mes souvenirs, mes 16 ans, Laisse-moi une chance, T'as mis des scellés sur ma vie, L'amour violent, Entre violence et violon. Et il fera aussi, c'était un des thèmes du jeu dans cette émission, des reprises comme La mer ou encore Ne me quitte pas sur ma vie et maintenant Le parapluie, des extraits qu'on a déjà écoutés au cours de la première émission hors série Johnny de A à Z. On en a pour près 1h20 de programme. Installez-vous bien, convenablement. Sinon, forcez le son. Si vous voulez pas rester, parce que si vous voulez pas rester devant l'ordinateur, mettez le son assez fort. C'était une émission radio, donc il y aura pas d'image. Non, il n'y aura pas d'image. Je vous souhaite en tout cas une bonne émission à tous, Johnny de A à Z, et on se retrouve en cours. Oui, je vais vous présenter au fur et à mesure. Je serai d'ailleurs quand même le micro. On y va, Johnny Hallyday sur RTL en 1983, le 10 octobre exactement, au théâtre Montparnasse, pour l'émission Casino Parade. Bonne émission à toutes et à tous. Générique, générique. Présente Banque mondiale. Casino Parade. Ah.

salle des gens des Deux-Sèvres. Ah oui, il y en a quatre quand même, oui. Nous sommes d'Azé-sur-Thouë. Oui, de Azé-sur-Thouë. Azé-sur-Thouë, c'est super, c'est très très beau. Et vous, ma petite Catherine, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis chômeuse. Ah non, c'est bien fait. Très bien. Et autrement, vous faisiez quoi avant? Avant, je faisais un stage cuisine. Très bien, ça, oui. Et votre spécialité, c'est quoi? Oh, de tout, à peu près de tout, je faisais. Bon, eh ben, nous vérifierons ça tout à l'heure, bien entendu. Juste le temps de se détendre quelques instants, Johnny, on te retrouve avec une deuxième chanson. Le PokerTL, tout à l'heure, vers 12h45. Et puis alors le reste, je vous verrai bien au fur et à mesure comment ça se passe. On chantera, il y aura de l'ambiance. Repos, j'en reviens dans quelques secondes. Avec Johnny, nous allons retrouver Johnny dans quelques secondes et nous allons faire une première valise. 14 451 francs Johnny auxquels nous ajoutons 112 francs, cela fait 14 563 francs. Admirable, admirable addition, mais comme il compte bien, 14 563 francs. 14 563 francs que tu vas peut-être faire gagner aujourd'hui à quelqu'un. Johnny dans deux secondes les enfants. La petite Chantal qui est toute seule à Paris, qui s'ennuie de Johnny. Hein, petite Chantal? Bonjour mon petit Fabrice, bonjour, bonjour à tous. Bien sûr, j'embrasse très fort Johnny. Oui, pas trop quand même, ne l'embrassez pas trop non plus. Pas exagéré malgré tout. J'ai un tempérament jaloux, vous savez bien. Alors. Je me rattraperai avec vous demain. Oui, d'accord. 14 563 francs. J'entendais bien? Rien. Bon. Alors je vais vous dire ce qui se passe parce qu'ils n'entendent rien. Il y a un problème de retour. Pour l'instant, le téléphone sonne. J'appelle quelqu'un assez loin. Je vais essayer de lui faire gagner 14 563 francs. S'ils ne peuvent pas le faire, deuxième chanson de Johnny tout de suite. Troisième sonnerie. Et la quatrième. Ça ne marche pas. C'est râpé. 14 563 francs. C'était Henri Fiassec, habitant Autange, dans la Moselle. Qui va chanter maintenant? Chanson qui a été écrite par Eddie Mitchell. Vous écoutez Casino Parade de RTL, c'était le 10 octobre 1983, ici en direct de l'émission Johnny de A à Z. Histoire de la Trinité. En avis passé, pris des cas.

émission spéciale Casino Parade, je n'ai été le 10 octobre 1983 du direct du théâtre de Montparnasse. Bill de Rem qui restera avec nous bien entendu pendant toute cette émission. Alors ça mes enfants, c'est le vrai blues comme je l'aime ou alors je ne m'y connais plus. C'est le véritable blues qui vous prend la haute trique et puis alors ça remonte comme ça, sort la société. Oh la société. Tu vois, je regrette de ne pas avoir amené mon tuyau de Genève. Parce que moi je joue du saxo. Bah, tu vois, on aurait pu jouer le blues, ça aurait été formidable. Bon Bill, dis-moi, quelle impression cela fait de placer une chanson, comme l'on dit, à Johnny? C'est quand même la consécration. Alors, attends, d'abord, suprême, je tiens à dire, il ne m'a pas placé une chanson. Alors, j'ai été voir son spectacle à l'Olympia. Oui. Et puis, il a chanté cette chanson parmi tant d'autres. Et puis, je partais le lendemain d'ailleurs à Nashville et je me suis dit, cette chanson-là, je vais absolument l'enregistrer. Et puis, je lui ai demandé, il m'a dit, d'accord, c'est tout, ça s'est passé comme ça, tout simplement. Alors, ça fait beaucoup de plaisir. C'est encore plus extraordinaire, tu te rends compte, il est allé, en fait, c'est lui alors qui est allé te demander une chanson. C'est encore plus fantastique. Bon, Bill, en ce moment, raconte-moi ce que tu fais, où tu vas, si tu enregistres d'autres chansons pour Johnny, etc. Ben, en ce moment, je travaille sur des chansons nouvelles, quoi. Oui. Et puis bon, des concerts aussi, mais surtout j'essaye de travailler le prochain album. Mais tu joues un instrument toi-même? Je joue un peu de guitare, quoi, mais très amateur. Très amateur, dit-il. Non. C'est vrai ça, non? Il doit bien jouer de la guitare. Un petit peu d'harmonica, je t'ai vu tout à l'heure esquisser un geste d'harmoniciste. Ah non, c'était pour l'ambiance. Ouais. C'était pour In The Mood. Ah d'accord. Bill, tu restes avec nous tout au long de cette émission. Avec Johnny, parce que je pense qu'il y aura d'autres boeufs encore. Avec le boeuf, c'est quand même un moment particulièrement agréable quand les chanteurs se retrouvent et chantent ensemble. Il y aura d'autres duos. Johnny, Bill reste avec nous, bien entendu. Ok? J'en suis ravi. A tout de suite. Toujours au Théâtre Montparnasse, avec Johnny que nous allons retrouver dans quelques secondes. Je vais en faire une deuxième valise, Johnny, si tu le veux bien. 14 563 francs auxquels j'ajoute 89 francs, cela fait 14 652 francs. Il est hallucinant, une vraie machine. Bon, 14 652 francs, j'espère qu'on va les gagner dans quelques secondes. Le téléphone s'en va quelque part, je ne sais pas trop où d'ailleurs, parce que tu m'as pas apporté l'affiche, Jean-Louis. Non, je me concentre. Oui, sur quoi je me demande, tiens. Viens ici, malhonnête. Ah, oui, parfaitement. Allez-y, ma petite Chantal, faites votre travail. 14 652 francs. Si vous me parlez sur un autre ton, peut-être. Moi aussi, je me concentre. Bon, alors fais très attention à toi, parce que tu sais. Vous fumez maintenant? C'est pas le jour, hein. Hein? Vous fumez ou c'est le smoking qui prend feu? Non, je fume, parce que... Ça marche, Fabrice, vous entendez? Oui, je vous entends, ma chérie. Attention, oula! Mesdames, messieurs, il vient de descendre des cintres un squelette. Et je n'invente rien. Je vous jure que c'est vrai. 12e sonnerie. C'est un chanteur du début du siècle qu'on a oublié là. C'est épouvantable. Ce type a raté son entrée définitivement. Quelle horreur. Bon, c'est la 48e sonnerie. Il y avait 14 652 francs. On n'en parle plus. Bon, alors maintenant. Pratiquement. Ça va venir. Johnny, je vais te demander d'écouter des interprètes dont tu as chanté les chansons en français. Tu as fait les versions françaises. À toi de retrouver, et je vous interdis de souffler, à toi de retrouver le nom de ces interprètes. Tu es prêt? Oui, oui. On va faire le score pour Catherine et Agnès qui sont nos deux candidates aujourd'hui. Il est important que tu me relises un joli score. Il y en a 11 en tout. On y va? Écoute bien. Alors dis-le. Los Bravos. C'est Los Bravos, parfaitement. The Animals. Oui. David Tucker. Wilson Pickett. If I were a carpenter, you were a lady. Presque, c'est presque ça. Love me. Elvis. Jimi Hendrix. Well, look at there. Here she comes. Eddie Cochran. It's a chubby checker. Chuck Berry, pardon. Dean Vincent. Elvis. Thank you. suis trompé sur une. Oui. Une seule erreur, c'est pas beaucoup. Los Bravos, c'était en français, Los Bravos. Noir c'est noir. Les Animals, c'était en français par Johnny. Le pénitencier, Chubby Checker, c'était... Viens danser le twist. Wilson Pickett, jusqu'à minuit. Et alors celui que tu as raté, si j'étais un charpentier, la version que tu as faite en français, c'était Tim Hardin. Tim Hardin, moi je ne sais pas pourquoi, oui. J'ai eu un trou. Tu l'as oublié. Elvis, tu as chanté cette chanson Amour d'été. Jimi Hendrix, c'était Hey Joe. C'est fantastique ça, Hey Joe. Eddie Cochran, elle est terrible. Chuck Berry, en français, c'était Johnny Revient. Gene Vincent, Bebop Lula. Et Elvis, Tutti Frutti. Voilà mes enfants, ça fait 10 sur 11, je crois qu'on peut l'applaudir quand même, c'est beau. C'est un beau travail. Alors maintenant, je vais vous demander de ne pas souffler, car Agnès et Catherine vont entendre un certain nombre de chanteurs. Puisque nous en sommes à 10, il me faut 7 interprètes pour réaliser le Blackjack. Vous misez combien y a-t-il d'argent sur la table ? Maximum. Pas tout ! Pas tout ! Pas tout ! 500 francs sur la table. Oui, 500 francs. Mettez-les, mettez-les. Voilà. Je n'ai... cher camarade, puisque je raconte. Jean-Louis, c'est pareil. Je tâche de me faire un score intéressant parce que d'habitude tu t'arrêtes au 1. Sinon tu vas finir comme d'accord. Le monsieur qui est dans les cintres là, oui. Alors autre chose que 1 s'il te plaît. Pas 2, 10. 500 multiplié par. Il est navrant. Essaye parce qu'il me dégoûte. Essaye, c'est plus possible. C'est pas possible ça. 500 multiplié par. 500 multiplié par. 500 multiplié par. 500 multiplié par. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est tout. Et où ? C'est tout. Voilà. Je suis désolé. Je crois que je vais me faire remplacer. Oui, c'est bien possible. What? Johnny a fait 10, lui, au moins. C'est ça, mon petit bonhomme, tu comprends? Ça, c'est Las Vegas. C'est pas Meudon Bellevue, ça, c'est Las Vegas, tu comprends? Bon, bah, c'est autre chose. Bon, il y a, mes enfants, 5000 francs sur la table. Extraordinaire. Catherine et Agnès. C'est gentil, hein. Et je ne veux pas que l'on souffle, bien entendu. Est-ce que vous êtes prête? Oui. On y va. Guy Marbel. Un petit village, 7-8 heures du soir, un plan très large. Bernard Lavilliers. Qu'est-ce que tu crois que je suis dans la vie? Je suis rien qu'un mec comme toi et moi, aussi lâche que n'importe qui, aussi beau que n'importe quoi. Je vois pas. Elles m'ont dit Richie. Bon, je ne saurais trop vous conseiller de faire tout de même attention à ce qui s'est passé, n'est-ce pas? C'est un petit conseil d'avis. On vous isole sous le casque musical avec un bandeau sur les yeux. Je vous dis où nous en sommes. Johnny, grâce à toi, il y a 5000 francs sur le tapis vert. Ça ne nous était pas arrivé depuis des lustres. Je ne sais pas pourquoi il n'est incapable de faire autre chose que 1. Du premier coup, tu fais 10. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Dépêche-toi, Jean-Louis, alors. Plus vite, mon petit bonhomme. Plus vite, dépêchons-nous. Alors je fais le bilan. Elles m'ont dit Guy Mardel, nous sommes d'accord, ça fait 1. Elles m'ont dit Lavilliers, alors que c'était Romain Didier, ça c'est embêtant. Elles ont raté Francis Lalanne, c'était facile, ça pourtant. Retrouver le groupe Indochine, ça fait 2. Rater Philippe Laville et rater Sylvie et retrouver Richie, ça fait donc 3 en tout. J'avais 17, il reste 4 interprètes à trouver pour gagner 5000 francs. Agnès, Catherine, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, parfait alors. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, voulez-vous un interprète supplémentaire? Oui. Le voilà. Aime la vie, aime comme un voyou, comme un Huguin. Huguin. Oui. On continue? Oui. On continue. Quelque chose? Non, non, je ne me rien... pas. Bon, elle m'a strictement rien dit. On continue? Oui. Oui, il le faut. Martial! Elle a dit Martial, oui. Je sais pas si elle a dit Martial. Je ne connais pas. Elle a dit ça, quoi, oui. On continue? Alors, ça fait deux, ça? Oui. Ça, c'est facile, on maintenant. Continue, écoutez bien. Mais alors à quoi ça sert que Johnny se décarcasse alors? Hein? Franchement. Je ne comprenais pas du tout. C'est facile ça pourtant. Oui, oui, mais... On continue? Oui. Voilà. Aussi, mais oui, pas moyen. Il ne suffit pas de la connaître pour mais la prouver. Oui, mais pas moyen de la prouver. Mesdames, messieurs, nous sommes en train de vivre un drame dont l'horreur ne vous échappe pas. Il reste encore beaucoup de cartes. 5000 francs sur la table qui sont en train de s'envoler en fumée. Oh. Il reste tout de même quelques cartes à jouer. On continue? Oui. Voilà. L'angoisse monte. Oui. C'est compliqué. Les gens s'évanouissent dans la salle par paquets. On évacue les jeunes filles. On continue. On a encore une, oui, au moins. C'est là. On en a trois. On continue. On s'arrête. On en avait. Oui. On continue. Non, attends. Attends, oui, alors, bon, d'accord, oui. Alors, organisez-vous. On continue, on s'arrête. On avait 4 et 3. 4 et 3, 7, donc Blackjack. Blackjack. C'est faux. Alors on a dû se tromper un peu. Alors on vous fait venir une star. Cette star fait 10. Il y a 5000 francs sur la table. Je vous dis faites attention. Avant de recommencer à jouer, si je vous dis faites attention, c'est pour que vous fassiez attention. C'est quand on s'est trompé un titre. Ben alors, forcément. Oui, mais vous m'avez dit Lavilliers et vous avez confondu Bernard Lavilliers et Romain Didier. C'est pas franchement le même genre. D'accord. Hein, bon, allez, on n'en parle plus, je suis d'une tristesse. Bravo Johnny, tout même, il avait fait 10. Bonjour, l'écoute de l'émission Johnny de A à Z avec aujourd'hui un Casino's Parade spécial Johnny Hallyday, c'était le 10 décembre 1983 au Théâtre Montparnasse. Yeah. Johnny Hallyday, sur l'antenne de Johnny 2AZ. Oh, l'amour violent quand ça te prend là. Et alors après, évidemment, après, voilà le résultat. Après, on fait des bébés. Eh oui. Ce sont des admirateurs à toi, Johnny, qui m'ont donné ceci pour toi. Ce sont des tout petits chaussons en laine. Alors, si c'est bleu, c'est un petit Johnny. Je te le remets. Ils viennent de me le donner. Ça vient du public. Et alors, si c'est rose, c'est une petite Johnny. Voilà. Ah bah, c'est très joli, merci. Alors, si c'est un garçon, il s'appellera comment? Gary. Gary, si c'est un garçon. Et si c'est une fille? Laura. Bon, bah alors, mes enfants, comme ça, vous savez tout. Johnny, tu le prends. Enfin, je te le mets de côté pour tout à l'heure. C'est important. Nous sommes toujours ici au Théâtre Montparnasse, où Annie présente en ce moment son spectacle Marguerite et les autres. Mais oui. Où malheureusement elle a eu un problème samedi, rappelons-le. Elle tombe des trapèzes, mais elle recommencera samedi prochain. D'ailleurs, on l'a eu au téléphone pendant le petit break oui. qu'on a eu. Et puis elle nous dit bonjour, elle vous dit bonjour. Et on embrasse Annie. Elle nous écoute. On embrasse Annie, bien sûr. On espère la retrouver très bientôt ici sur cette scène. Tu m'as dit c'est la semaine prochaine, je crois, Claudia. C'est samedi. Elle recommence samedi prochain, oui. Eh ben dis donc, quel courage. Hein. Elle recommence samedi. Bon, deuxième heure de l'émission. Surtout, ça fait mal hein, de tomber du trapèze sur la tête. Ben, oui, effectivement, c'est assez violent parce que je crois qu'elle est tombée d'assez haut en plus. Ben, oui, le courage de... Elle va avoir le courage de remonter sur ce trapèze samedi. Ben, je pense que oui. Ben, c'est ça le spectacle, mes enfants. Je crois qu'on peut l'applaudir parce que c'est tout de même assez extraordinaire comme performance. Deuxième heure de notre casino parade avec Johnny Hallyday aujourd'hui. Si tu as enlevé la veste maintenant. Bon bah si tu veux, alors moi tu comprends là. Si c'est comme ça, moi je me mets entièrement nu, tu comprends? Si vous insistez, je continue. Hein. Je vois qu'il y a des connaisseuses dans la salle, je vous remercie. C'est intéressant, attends. Il n'est pas bleu aujourd'hui, mais ça va, bon. Mais une seconde, on se mettra nu tout à l'heure. Comment cette émission va-t-elle se terminer? Je me pose la question, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y en a qui flirtent dans le fond, il y en a qui flirtent ici. Moi, si ça continue avec Johnny, on se jette dans la salle, hein, je vous préviens. Ben, c'est comme ça, hein. Alors, ben, ça va se terminer comme ça, hein. Vous l'aurez voulu. Bon. Ah, mais non, mais quand même. Bon, alors, mais attends, il faut que je me mette ça sur la tête. Je fais une petite annonce. Le mercredi 2 novembre 1983, Casino Parade se déroulera à Lorient, dans le Morbihan. Avec Johnny? Ah, je ne crois pas, non. Avec le journal Ouest France, alors si vous habitez Lorient ou ses environs proches, si vous avez plus de 18 ans, si vous désirez constituer une équipe avec un membre de votre famille habitant la même région, participez ainsi à tous nos jeux pendant une semaine, écrivez immédiatement racontant votre vie et vos loisirs, à condition que ce soit avouable, bien sûr, à Casino Parade RTL 22 rue Bayard, 75 008, à Paris. Ah, okay. Oh, bah, c'est la vie, c'est fantastique. Tiens, dans la foulée, je vais faire une valise, la troisième de la matinée. Tac, tac, tac, tac, tac. Alors là, mes enfants, écoutez bien, je sens que ça va être une jeune fille superbe, entièrement nue, qui va arriver vers le téléphone, qui va décrocher, qui va me dire, est-ce toi mon amour? Et je lui dis non, mais je te passe Johnny. Et alors là, elle tombe raide, vous allez voir mes enfants. 14 652 francs, auxquels j'ajoute 77 francs égal. 14 729 francs. Quelle merveille. 14 729 francs. Alors, nous sommes bien d'accord, elle est actuellement dans sa salle de bain. Elle se poudre légèrement. Si elle se poudre un petit peu, parce que c'est la fin de la matinée, ça se fait plus. Bah, elle se met, je sais pas quoi. Elle se met quelque chose sur la tête, un truc rouge. Ça va sonner. Elle se lève. Elle enfile ses petites mules. Elle va vers le téléphone. Ça m'énerve d'y penser. Ça. Allô, mon amour, c'est toi, vous allez voir. Une voix superbe. Une fille extraordinaire. Elle n'est pas réveillée, alors qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Encore une sonnerie, elle me trompe! Je crois. Elle s'appelle Marie-Pierre Daride, elle habite Arzon dans le Morbihan, elle n'était point chez elle, hélas, c'est raté! Allô mon amour, c'est toi? J'ai des visions! J'ai entendu quelque chose, t'as entendu Johnny? Non. J'ai entendu, à mon amour, c'est toi! Vous l'avez entendu, vous autres? Si c'est toi, c'est moi. Mais alors, si c'est toi, si c'est moi, c'est nous? Bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais faut que j'arrête de fumer ces trucs-là. Qu'est-ce que vous avez mis dans les cigarettes? Bon, je vais me reposer quelques secondes et j'en viens. Nous sommes toujours au Théâtre Montparnasse avec Johnny Hallyday. Deuxième invité de Johnny pour ce casino parade exceptionnel aujourd'hui. Je vais aller chez quelqu'un que j'aime beaucoup. Quand j'ai commencé à chanter dans ce métier, Nous avons fait les tournées, nos premières tournées ensemble. C'est Jean-Jacques Debout. Jean-Jacques Debout. Bonjour. Vous allez chanter ensemble avec notre trio accompagné par le trio de Casino Parade. Je vous laisse dire le titre, mes enfants, ils vont la reconnaître tout de suite. Vous avez le droit de chanter aussi si vous le voulez, bien entendu. La mère de Charles Trenet. La mère de Charles Trenet, Jean-Jacques Debout et Johnny Hallyday. Bonjour, cher public. Quelle joie pour moi de chanter avec mon ami Johnny Hallyday. La main qu'on voit danser le long des golfs clairs a des reflets d'argent. La mer reflets d'argent sous la pluie. La mer extraordinaire parce qu'il devait partir pour la Hollande, je ne sais pas quoi faire d'ailleurs. Qu'est-ce que tu devais faire là-bas? Enregistrer en néerlandais. Tu enregistres en néerlandais? Oui. Ah, ça va être intéressant ça en néerlandais. Ça fait Rutte Flick, Fosmanik, Flick. C'est comme c'est ça. Plutôt, c'est Chantal qui enregistre. Non, puis moi aussi. Toi aussi en hollandais. Oui. Tiens. J'ai une très grande idole là-bas. Tu peux chanter en hollandais quelques secondes pour qu'on voit ce que ça donne? Ça swing beaucoup le hollandais ça. Tu peux chanter quelque chose en hollandais? Non, c'est pas mon impresario ne veut pas. Ah bon? Non. Il ne veut pas qu'on dévoile ici ce que tu fais chez les autres. Zipaquet ne veut pas. Il ne veut pas. Bon, ben il a peut-être ses raisons, alors il nous expliquera pourquoi tout à l'heure. Mais tu chantes quoi en hollandais? Des chansons françaises ou hollandaises? C'est des chansons françaises traduites en hollandais. Ça va être chouette ça. Mais je chante avec une hollandaise et si elle n'est pas là, je ne peux pas chanter sans elle. Oui, tu n'es pas inspiré par la... Elle n'est pas là. Bon, ben écoute, tu l'amèneras la prochaine fois. Jean-Jacques, je vais te demander d'avoir la gentillesse de rester avec nous parce que tout à l'heure, tu vas rechanter avec Johnny. Ah. Dans le chantera, ne chantera pas. Par conséquent, tu ne t'en vas pas. Ok bon. À tout à l'heure. Et puis ne touche plus au squelette parce que je sais que c'est toi qui l'as fait tomber du singe. Tu sais, on a bien compris l'affaire tout à l'heure. Repos. Quelques secondes au Théâtre Montparnasse. Je vous signale que le mercredi 26 octobre, Casino Parade se déroulera à Waterloo en collaboration avec le journal La Voix du Nord et Salvatore Adamo. Voici les trois premières équipes à être retenues. Françoise et Didier Fauconi et de Croix. Jacqueline Da Silva et sa sœur Dolores de Roubaix. Monsieur et Madame Jouffroy de Villeneuve d'Ascq. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais faire la troisième valise. J'ai besoin de toi. C'est la quatrième. Je vous remercie, monsieur. C'est la quatrième, effectivement. C'est vous, bravo. Eux, au moins, ils suivent l'émission, tu vois. Alors, quatrième, 14 729 plus 94 francs égale 14 823. Et voilà. C'est mérité. C'est mérité, c'est un gros effort. 14 823 francs. Il doit être bien, celle-là. Elle est plus nue? C'est un homme, maintenant? Ah, non. Non. Non. Elle a 18 ans. Elle est blonde. Elle a les yeux bleus. Elle est légèrement allée. Elle a une ligne superbe. Elle sort de sa cuisine avec son petit tablier blanc. Johnny ajoute nu sous le tablier blanc. Elle a une curieuse voix. Elle est partie avec quelqu'un d'autre. Très bien. Au revoir, monsieur. Je vous remercie. C'était... Ah, bah, c'est pour ça. Elle... Non, c'est pas... Non, non. Elle s'appelle Élise Chuchu. C'est mignon. C'était la petite Chuchu qui habite 3 dans l'Aube. Malheureusement, la petite Chuchu a découvert l'amour avec quelqu'un d'autre. Vous voulez vraiment qu'il chante une autre chanson, là? Non, mais vous êtes sûr de où? Bon, alors, dans ces conditions, je lis... Quand un homme devient fou! rien du tout. Johnny à l'instant sur l'antenne de Johnny de AZ et dans l'émission en même temps du RTL Casino Parade. Mes enfants, c'était le 13 octobre 1983. Il fait chaud, il y avait une certaine ambiance dans cette chanson. Et je voudrais quand même... Je dois dire que c'est une chanson de Mort Schumann, oui, et de Claude Lemel. C'est une superbe chanson. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il faut pouvoir chanter une chanson pareille avec une voix comme celle de Johnny à cette heure-là. C'est assez extraordinaire ça. Ça chauffait bien là. Ouh, c'était bon ça. Oula, quelle ambiance. Bon, maintenant on est en forme, tu vois. Maintenant tout va bien, ça commence, il est midi et demi. C'est la bonne heure. Nous allons jouer un banco spécial pour toi, Johnny, à propos de toi. Et j'espère qu'Agnès et Catherine vont réussir là où tout à l'heure elles ont échoué. En effet, il faut un banco absolument. Attends, parce que je ne sais plus du tout comment ça se passe. Trois bancos à 1000 francs. Je vous propose des affirmations à propos de Johnny. Non, mais est-ce que nous on peut regarder ça? Ah bah nous on va regarder tous les deux. Et vous allez me dire si c'est vrai, on n'avait pas le droit de souffler sous peine de mort. Vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Chaque banco valant 1000 francs, bien entendu. Toi, tu ne dis rien, Johnny, tu ne souffles pas, bien évidemment. Dans son show du Palais des Sports 1982, Johnny se fiance avec une femme vampire nommée Draculette. Elle, Draculette. Donc, ce ne serait pas Draculette. Catherine. On dit faux, on ne sait pas. Faux. C'est faux. Oui, c'est faux. Oui, c'est faux. Comment s'appelait-elle? Vampira. Ah. Savent tout par cœur. Hein. Tout par cœur. Oh. Oui, oui. Ça démarre bien. Deuxième affirmation. La première fois que l'on vit Johnny sur la scène d'un grand music hall, ce fut à l'Alhambra dans le spectacle de Raymond DeVos. Il vient de dire que c'est avec Jean-Jacques Dubout, alors je sais pas, mais qu'est-ce qu'on dit, hein? Attention, j'ai dit la première fois sur la scène, ouais, d'un grand music hall. D'accord. Ce fut à l'Alhambra dans le spectacle de Raymond DeVos. Faites le jeu, faites ce que vous voulez. Banco, pas banco, que dit-on? Combien? Le peuple s'énerve, que combien dit-on? Bon, on va dire banco, mais alors on dit banco à combien? Le maximum c'est 1000 francs. Comment? Banco à? Bon, à 1000, allez hop. Comment allez hop? Comment allez hop? On ne dit pas allez hop. On se jette à l'eau. Alors 1000, elles peuvent faire 1000, elles peuvent pas. Il ne reste pas assez d'argent. Ah oui, regardez. Oui, alors combien le maximum? 800 francs le maximum. Ouais, 800 francs sur le tapis vert. Bon, alors on met 800 francs. Réponse. C'était exact, parfaitement. 1960. Les affaires reprennent, 800 francs supplémentaires. Tu te rappelles ce spectacle, Johnny, forcément? Très bien, oui. Vous aussi? Je me rappelle, il y avait le parterre qui sifflait contre moi, il y avait... Et les balcons qui criaient pour moi. J'ai failli me faire virer, d'ailleurs. Et puis Raymond DeVos a eu ce mot formidable, il a dit à la personne, à l'époque, qui était le directeur de... À l'Alhambra. Il a dit, si le petit s'en va, moi j'arrête le spectacle. Ça, c'est fantastique. Qu'il avait du nez. À ses débuts, Johnny rencontrait tous les soirs le chef de la bande des Cyclones, qui n'était autre que Eddie Mitchell. Les Cyclones, non? Ah non. Non, non, ça vous paraît faux, ça? Oui, c'est faux. C'est faux, ça? C'était les Chats Sauvages, je ne sais plus. C'était pas Eddie Mitchell? Non, non. Ah, vous avez raison, c'était Jacques Dutronc, parfaitement. On continue. Troisième proposition. La quatrième, oui, en bas. Qu'est-ce que c'est, alors? Le pianiste, oui. Allons, voyons, allons. Je ne vois jamais, allons. Oh, qui sont dans les langues, alors? Le pianiste qui faisait répéter... Où t'as mis ta vodka, là? Le pianiste qui faisait répéter Johnny en 1971. Pour son spectacle du Palais des Sports, était Michel Polnareff. C'est possible, oui. Allez savoir. Allez de savoir. Alors banco à 1000. Le banco est demandé à 1000. Voici la réponse. Le pianiste qui est de ce terrain en 1971. C'était Michel Polnareff. C'était Michel Polnareff, parfaitement. Très bien. Enfin, il ne me faisait pas que répéter, il jouait avec ma sorcelle. Également. Je me le rappelle fort bien. Bon, je continue. Dans le film Deviens-tu de Johnny ? On va voir s'ils peuvent souffler, là, tiens. Dans le film Deviens-tu de Johnny, il y avait un autre chanteur à ses côtés tenant un petit rôle. C'est Jean-Jacques Debout. C'est Jean-Jacques Debout. Dans le film Deviens-tu de Johnny, c'est Jean-Jacques Debout. Je le sais, puisque je le dis. Non. Agnès Catherine, non. Il y a de l'argent sur la table, on ne plaisante pas avec ça. Alors on ne souffle plus là brusquement, hein. Alors là... Hein. Non. Non. Catherine. Agnès Catherine, que dit-on? Catherine a l'air sceptique, alors on va dire non, je me fie. Catherine est sceptique? Oui. Oui. Je sais pas. Eh bien elle a tort, parce que c'était bon. Vrai, parfaitement, c'était exact. C'est vrai, Johnny? C'est tout à fait vrai. Il y avait Jean-Jacques Debout, il y avait aussi un autre chanteur, Pierre Barou. C'est exact. Il y avait également Pierre Barou. Bon, eh bien, mes enfants, c'était mon troisième banco, mais ça ne s'est pas passé tout de même trop mal. Je vous avais confié au départ une somme d'argent, j'aurais pas dû, 1500 francs. Qu'est-ce que vous en avez fait? J'enlève les 1500 francs de départ. Il reste sur le tapis vert, ça n'est pas trop mal pour une première journée, parce qu'elles sont un petit peu intimidées, il faut le comprendre. La somme de 1200 francs pour aujourd'hui, on les encourage, c'est pas mal. Bravo. C'est bien. Merci. Chantera, chantera pas. Toujours du Théâtre Montparnasse avec Johnny Hallyday. Le chantera, chantera pas, accompagné par nos Sweeping Winds. Attention Jean-Louis. Première chanson de Johnny, c'est... Une très jolie chanson de Jacques Brel. Mais quitte pas, j'aimerais demander à quelqu'un de venir la chanter avec moi. Quelqu'un qui m'écrit des chansons, qui chante sur scène avec moi. Oui. C'est Éric Bamy. Est-ce que Éric Bamy est là? Dans les coulisses. Monsieur Bamy. Il était dans les coulisses il y a quelques instants. Il n'est pas là? Apparemment, il n'est pas là. Commence, Johnny. Eh bien, alors, je vais... Il prendra le... avec Jean-Jacques Debout. Le train en route. Alors, Jean-Jacques. Mon cher Jean-Jacques. Allez, Jean-Jacques. Ne me quitte pas, il faut oublier, on peut s'oublier, ils ont pris déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois. À coup de pourquoi, le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ah, je t'en prierai. Chanson de Brel, tu les chantes superbement bien. Ah mais j'aimerais bien enregistrer cette chanson de Jacques Brel. Eh ben aussi, j'aimerais bien, il faut le faire ça. Je te jure que tu la chantes d'une façon extraordinaire, il faut que tu l'enregistres. Bon, chanson suivante. Alors, sur ma vie. T'es admirable, sur ma vie. Chanson suivante, c'est quoi? Sur ma vie. Sur ma vie. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Bah, c'est un bon jour, alors. C'est un bon jour. Chanson suivante. Et maintenant. Et maintenant. Et maintenant. Compositeur préféré, c'est Georges Brassens. Une chanson que j'ai chantée quand j'étais plus jeune. Et j'ai d'ailleurs commencé, avant de chanter du rock'n'roll, par chanter du Brassens, c'était Le Petit Cheval Blanc. Il pleuvait... Non, pardon, c'est le parapluie. Et voici, après le parapluie, le cheval blanc. Il pleuvait fort sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute. Le matin même, un ami courant à l'eau à sa rescousse, je lui propose un peu d'appui en séchant l'eau de sa primousse. D'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un bon paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au sens hardi. Merci. C'était le parcours superbe de Johnny Hallyday. Quelques secondes, la cinquième valise. 14 823 francs auxquels nous ajoutons 73 francs égale Johnny. 14 896. Cet homme est une machine à compter. Je vous signale que nous ne ferons pas le poker TL car nous allons retrouver Johnny tout de suite, mais... Agnès et Catherine, vous aurez deux tirages, puisqu'aujourd'hui c'est une émission exceptionnelle, vous aurez deux tirages vendredi prochain, ce qui fait qu'à la fin de la semaine, vous aurez votre compte de tirage de Poker TL sans problème. Ça, vous ne soyez pas affolés, en voyant l'argent s'envoler, l'argent est là, ne bougera pas. Comme on a Johnny, on ne le lâche plus, comprenez ? On est très jeune. J'ai dit 14 896 et je ne reviendrai pas là-dessus. Allô ? Attention. C'est une rousse cette fois-ci. C'est une rousse. Ah. Allô ? Allô, Madame Lane ? Allô ? Allô, Madame Lane ? Oui, je vous entends très mal. Ah bon, est-ce que vous m'entendez mieux comme ça ? Un petit peu mieux. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, vous êtes en direct sur l'antenne de RTL et c'est la vedette de notre émission Johnny Hallyday. On passe. Cette valise. Entre violence et violent, et le dernier titre de cette émission spéciale Théâtre Montparnasse Casino Parade, c'était le 10 octobre 1983 avec le formidable Fabrice et Johnny, bien entendu. Deux hommes en moi, ennemis l'un de l'autre. Le fou contre le roi, Judas contre l'apôtre. La rage au bout des poings et le cœur sur la main. Aujourd'hui, Mr. Hyde, Dr. Jekyll demain. C'est contre moi le rêve et pour moi la révolte. J'ai la paix sur les lèvres et les doigts sur un colt. Je joue avec les femmes, à poker interdit. Mais je perdrai mon âme, à gagner un ami. De rues bizarres où des guitares électriques coloraient ma mémoire de rêve d'Amérique. Je flottais sur l'Atlantique de Fender en Gibson et je roulais des mécaniques Charlie Davidson. J'allais au Las Vegas, le diable avait 16 ans. Et pour l'école d'en face, l'enfant est un enfant. J'allais au bout de ma rue comme au bout de ma vie. Et j'avais tout connu sans avoir rien à l'offrir. Deux hommes en moi, l'un prend et l'autre donne. L'un condamne celui à qui l'autre pardonne. Je suis entré en vie côté court un matin et j'espère en sortir en vie. casino, parade exceptionnelle au théâtre de Montparnasse avec Johnny Hallyday. Merci à tous et à toutes, demain nous nous retrouvons sur l'antenne avec Julien Clerc. Fabrice a tout dit. Merci encore et à toutes et à tous d'avoir participé, d'avoir suivi cette émission Johnny de A à Z en direct du Théâtre Montparnasse pour l'émission Casino Parade le 10 octobre 1983. On se retrouve vendredi à 17h pour une nouvelle émission Johnny de A à Z et ce sera une émission en images et en son. Ouais, ouais, vous avez déjà le son, mais on aura l'image en plus, hein, si ça marche bien comme il faut. Merci encore à toutes et à tous. Bonne fin de soirée, restez chez vous, prenez soin de vous et des vôtres. A très bientôt. Ciao, ciao.